Audiomatique. A song is not what it seems. A tune, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play, but we aren't always dumb. We are murdered in amphitheaters, on the podia of the Audubon, the Earl. Philadelphia, 1945. Malcolm, my people, dear God, Malcolm. Thank you. c'est sur une composition du saxophoniste Archie Shepp que les sonoristes ont choisi d'ouvrir la transmission 314 d'Audiomatic. La pièce que nous avons entendue, composée en l'honneur de Malcolm X, s'intitule Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm et apparaît sur le deuxième album d'Archie Shepp intitulé Fire Music et paru en 1965. Bien que l'introduction d'Audiomatic vous ait été présentée et par conséquence qu'il y aura assurément une suite, il ne faudrait toutefois pas que vous vous attendiez à ce que cette suite soit nécessairement logique. We'll be right back. in fancy houses. He dreams of days that he can still remember. Audiomatique. Il s'agissait du défunt groupe américain Talking Heads, mené par David Byrne. Nous entendions la chanson Listening Wind, tirée du quatrième album de Talking Heads, intitulé Remain in Light, et sorti en 1980. Cet album a été fait en collaboration avec Brian Eno, qui participe à la composition, à l'interprétation et à la production des pièces. D'ailleurs, pendant les années 1979 et 1980, David Byrne et Brian Eno ont travaillé ensemble à la composition de leur album « My Life in the Bush of Ghosts », qui est paru seulement en 1981 à cause de délais causés par des problèmes sur l'obtention des droits pour l'utilisation de certains échantillonnages. Et pour amorcer ce bloc, nous vous présentions le groupe brooklynois « Dirty Projectors », incarné par David Longstreth, et la chanson Thirsty and Miserable, extraite de l'album Rise Above, paru en 2007. Cet album est en fait une réinterprétation qu'a fait David Longstreth de l'album Damaged, que le groupe punk hardcore Black Flag a lancé en 1981. David Longstreth, qui n'avait pas écouté l'album Damage de The Black Flag depuis plus de 15 ans, a voulu le recréer de mémoire, pièce par pièce, à sa manière. Et c'est sur la musique du projet Vromb que se poursuit Audiomatic. Thank you. à Audiomatic. Nous venons d'écouter une pièce du tout nouvel album du duo britannique Otaker, qui compose de la musique électronique depuis 1987. Il s'agissait de la pièce S.I.O.O. apparaissant sur l'album Sign. C'est leur tout nouvel album sorti en octobre dernier. Et avant cela, c'était le projet Vroom de l'artiste montréalais Mario Girard, de qui nous écoutions la pièce Pliage Spirale, tirée de sa plus récente parution, un mini-album intitulé Origami, sorti en mars 2020 sur l'étiquette de disque montréalaise Chambre Noire. Maintenant, à Audiomatic, nous faisons un bond de 32 ans en arrière, presque jour pour jour, avec Front 242. Hey poor! Hey poor! Hey poor! You don't have to be poor anymore! Jesus is here! Jesus is here! Until...

Quite five legs. Quite five legs. C'était à Audiomatic le groupe japonais Buffalo Daughter et la pièce Great Five Lakes, remixée par l'artiste japonais Cornelius. Cette version peut se retrouver entre autres sur le mini-album WXBD et la version originale de Great Five Lakes de Buffalo Daughter est parue sur l'album New Rock, sorti en 1998. Précédemment à Buffalo Daughter, nous avions droit au duo français Air et la pièce Suicide Underground qui a été composée pour le film The Virgin Suicides, le premier film de la cinéaste américaine Sofia Coppola, réalisé en 1999. Et pour introduire ce segment musical, nous avons choisi le groupe belge Front 242 et leur composition Welcome to Paradise, extraite de la version CD de leur quatrième album Front by Front, lancé en 1988. Cette transmission d'Audiomatic s'achèvera sur la musique de Clark Devier, un groupe mené par Addy Newton depuis 1978. La pièce que nous entendrons se nomme The Inversion et se retrouve sur l'album instrumental Digital Soundtracks paru en 1992. Si vous avez apprécié cette transmission d'Audiomatic et que vous souhaitez la réécouter ou la suggérer à un être cher, vous pouvez trouver nos anciennes émissions sur nos plateformes comme entre autres facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Mais qu'on se le dise, le vrai plaisir se trouve les mercredis dès 17h en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et voici Claude Devier et la pièce The Inversion. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.